Est-ce qu'il y a des mamies dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y en a qui ont des mamies dans la salle ce soir? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous avez peur de les voir mourir? Ah, ceux qui disent non, je sais pourquoi. C'est parce qu'ils connaissent le sac à mamie! Très important de bien se brosser les dents. Mais bien sûr ça fait pas tout et on devient vite tout mou. On bouge plus un truc debout, on se transforme en cailloux. Mais ces mecs intelligents passent aux problèmes inquiétants. On trouve le cerveau au vent, un produit miraculant. C'est vraiment un truc tout bête, pas de quoi se casser la tête. Il faut bien que l'on l'admette, c'est mieux qu'un exosquelette. Efficace et vraiment pas compliqué. Tout le monde se l'arrache dans tous les supermarchés.